Émission Con Lambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h. On vous emmène du côté des pays, des îles créolophones et vous faire découvrir la musique actuelle, sortir un peu des représentations, des clichés que vous pourriez en avoir. Là, vous avez entendu à l'instant Djibrahil, le titre Hidden Place. Djibrahil qui voyage entre hip-hop, électro et influence Groka avec son album Lost Islands qui est déjà sorti, déjà disponible. Et là, c'était le premier extrait de son prochain projet TKHD. On va partir maintenant du côté d'Haïti, mais aussi de toute la diaspora africaine. L'album s'appelle Diaspora Africain, écrit en créole. L'artiste s'appelle Vox Sambou avec en featuring Malika Tyrolien. On écoute ça. Motivation moins là, spiritualité moins là, matérialisme pas joué même dans le groupe, pas dans le tracas. Il est pour inspirer, j'en pas qu'à résilier. Mon musique qui est authentique, pas les politiques critiques, ça n'a pas polémique, pas quitter yon manipule. Qu'est-ce qu'on est yon calégé ou yon ka exterminer 300 ans si nous étions comme ça, nous pas exister. C'est pas pessimiste, non, faut pour réaliser, yes. Si nous pas aider yon l'autre, la vie cabitrice. Si nous c'est racine, ne croyez seven nous. Pas coûter médias étranges, cap la gaine dans trou. Le décollé à que l'Afrique, là c'est entraîne nous. Diaspora africain sous les pour résister. Pendant casser la coupe toujours que mélange. Diaspora africain sous les pour résister. Pendant casser la coupe toujours que mélange. Vox Sambou, l'artiste vient d'Haïti, il est principalement installé au Canada. En featuring, il y avait Malika Tyrolien, la voix guadeloupéenne, également installée au Canada. On va rester sur le même album, Diaspora Africain, ce titre à l'instant qu'il a enregistré au Mali. Là, on va partir dans une autre direction, mais avec toujours les mêmes protagonistes. Le titre Toute Moon est personnellement un de mes coups de cœur, avec à la production Keitra Nada, le célèbre beatmaker aux États-Unis qui en fait est du Canada mais qui en fait aussi est d'origine haïtienne, donc ça fait une sacrée rencontre. Le titre Toute Moon. Tout le monde dormi dans moi, c'est moi qui a passé rien. Yo tout après ma chef, c'est moi qui a pris goumen. Yo tout après ma chef, c'est moi qui a pris goumen. Woy, à nous trahions ma paix passée. Woy, à nous trahions ma paix passée. Woy, à nous trahions ma paix passée. À nous trahions ma paix passée. Si vous pas fait le baguette, personne qui a fait le pour vous. Combien d'an yo qui passe, mais tout back sous vous. Yo détruit yo café, mais vision yo c'est le palais, c'est la chambre. Yo champion en violation tout droit, femme moins pas j'aime. Croyez au coup acteur qui dans cinéma yo paka. Pliez propre tête yo pour penser à ma fla yo malade. Yon seule obsession c'est pour prendre pouvoir. Quittez nous dans désespoir, communauté dans désarroi. Fait yo connaît que yo blessin. Yo mettez dans l'exil yo lagué dans méfiance avec violence. Mais nous pas prêts dans silence, hypocrisie pas gain sens. Dénoncer tout politicien avec volet qui sans conscience. Ensuite prendre point en bloc. ONG intérêt yo mettez une dose à dos. Valais nous c'est qu'on bite, quitte nous c'est racine. Pas quitter yo vin trombo avec l'agence des liens. Y'a plion pour yo des guerres, puis yo qu'a vini manger ou manger ou. Tout le monde dormi dans moi, c'est moi qui a battu rien. Tout le monde dormi dans moi, c'est moi qui a battu rien. Yo tout après ma chef, c'est moi qui a pégou main. Yo tout après ma chef, c'est moi qui a pégou main. Ouais, à nous trahions ma paix passée. Ouais, à nous trahions ma paix passée. Ouais, à nous trahions ma paix passée. À nous trahions ma paix passée. Religion veut peine avec, fait quoi nous pas en règle. Yo prend nous en otage, à nous combattre à courage. Frapper tant qu'on l'oraille, nous pas qu'à n'en goudjaille. Lévé crampé dans le caille, à nous petit gouvernail. Pas qu'à rite n'en parlant, puis l'action c'est santé dans toute ville. Justice pour toute vaudou, ils en cap périt en coup de Tchernobyl. Promesse triangulaire, open your eyes, border. Ça pas jamais existé, c'est y'a gros âme, y'a volé. On y a yo changé zam, y'a veillé coup gendarme. Yo manipulé n'a qui pap, yo manipulé n'a kilchi. Yo dit nous tout nous fuit, men qu'on est c'est menti. Liberté pas cadeau, nous voulons travailler à go-go. Sans santé pour toute femme, respecter tout le monde en dehors. Éducation en créole, by haïtien, histoire yo. Responsabilité libérer tout ça que nous noyau. Si nous tous vivons, c'est grâce à connaissance ancêtre yo. Tout le monde dormi dans moi, c'est moi qui a battu rien. Tout le monde dormi dans moi, c'est moi qui a battu rien. Yo tout après ma chef, c'est moi qui a pégou main. Yo tout après ma chef, c'est moi qui a pégou main. Ouais, à nous trahions ma paix passée. Ouais, à nous trahions ma paix passée. Ouais, à nous trahions ma paix passée. À nous trahions ma paix passée. On va partir dans une nouvelle direction. La chanteuse s'appelle Enkia et elle collabore avec Eric Pédurant pour une reprise d'un titre d'Outkast, le morceau Prototype, une reprise originale à écouter maintenant. I hope that you're the one. If not, you are the prototype. We'll tiptoe to the sun. And do things I know you like. I know you like. I think I'm in love. Gabriel di mon a bon Dieu. I ka mache zye feme l'ennui. Diabla ka prende ye. On sel priye ka fe vansi. L'esprit li mien descend paret. Gabi sauvé. Gabi maman avance gade. Gabriel. À l'instant, le titre Gabriel de Sébastien Drumeau, extrait de son EP Fosse et Lambou qu'il faut aller chercher de toute urgence, avec une superbe pochette réalisée par le Difekako Studio. Le EP de Sébastien Drumeau, vous l'avez découvert dans Musique Jeudi, Conlambi, depuis maintenant quelques années qu'il annonce sa sortie avec plusieurs extraits. Et donc là, c'était Gabriel, il y en a bien d'autres à aller chercher. Ça, on va poursuivre avec un rappeur de Guadeloupe, il s'appelle Nerka, son album s'appelle AOM 1995, et il invite un autre rappeur, Kalimali, pour le titre Evil Song. What's up? Pop G making a love song, bah. Yeah. Mache ka pali yo nek a salive. Yo pa pran tan pou kompran ki jan an love for our baby. Ou an form rêve, an di ou rêve, kenya ka rêve. Vouye mwen yon couche la, an douche la, an touche pa an jalou. An fe pa pon neg approche yo. Raconte la blague, fe ou rip ou approche. Passe mes seke vreo kon lou an poche. An form fe bon bide pou joue kon poupe. Achete yon de droit magi ba ou pa de dust. Pi mwen yon veye gade pou koke. An sa vre yo pa venal non. An sa vou pose normalman. Ou ka fe zafè ya ou an scred pou yo pa voy ou ka trafa. Ya fon ou a plein tan pa ni mou pou an pe di ou sante ke fe ou sante. Baby, ou trop parfait. Et même si vous voyez moi aller ça fait bon pas pressé à l'itan à qui tu m'en pas qu'à vrai. En savent l'amour qu'a fait au mal et puis qu'a fait au souri. En vrai, pas bise impose aux questions en nous. Et baby en parler ou inspirer moi y'en t'es obligé ma crayon lettre qui pas trop long. En tombe y'a dans un piège y'en fin pas ma qui y'en vole sans. Ou trop real, one time for a magic ou magnifique. En vrai y'a dans vous à ton livre. Ça c'est pour mon sexy day. On a que yon evil song. Ça c'est pour mon sexy lady. On a que yon evil song. Ultra real, one time for a bad chick who magnifique. En vérité, I don't want I don't believe. Ça c'est pour mon sexy lady. On a que yon evil song. Ça c'est pour mon sexy lady. On a que yon evil song. Baby, est-ce que nous fâchés? moi quand vient cacher. Ouais, ça capaille bien à chaque rendez-vous. Délivrer de la peine à sale coup. Mais si tu peux parler sans tabou, le terre aussi, moi bon ça. Vous faites des plein à tout, man. Just qu'à voir moi tout partout. Yeah, oui, puis que j'en nous maille. Ou savent que j'en nous pas boîte. Soit la fait comme si nous pas connaître nous. Moi, savent nous que je suis à chaque coup. Nous de belles cuisses, belles fesses, belles minou. Ouais, évitez-moi à bas, aucun des belles coupées. 20 juillet, 20 juillet, nous jouons à veille feeling. Et 20 longues cheveux, le ou ça stress. Yeah, pas qu'à parler de l'homme, nous qu'à laisser parler. Ou qu'à faire des veilles, viens pour un décalé. Bête la langue, ou qu'à régaler. Sans MV, ou pas qu'à dépaler. Nous fais-moi si les bras, mais nous séparer. Passe pour point, on a l'œil, ou pas qu'à égaler moi. Quand arrivé, égaler moi, mais y'a pas trompé moi. Listen to me, just me and by your good feeling. Y'en capine, nous soyons là, y'y oui, ou bien la suite. Tu peux pas qu'à l'y avant moi, mais y'y vé, y'en y vole son. Tu peux pas qu'à l'y avant moi, mais y'y vé, y'en y vole son. For real, one time for a bad chick who magnifique. En vidéo, dans vous, à ton lit. Ça c'est pour mon sexy lady, en maquillon, y'y vole son. Ça c'est pour mon sexy lady, en maquillon, y'y vole son. For real, one time for a bad chick who magnifique. En vidéo, dans vous, à ton lit. Ça c'est pour mon sexy lady, en maquillon, y'y vole son. Ça c'est pour mon sexy lady, en maquillon, y'y vole son. Evil Song, Love Song à l'envers, Evil avec 3 E, parce qu'il y a déjà eu un Evil avec 1, un Evil avec 2, et là c'est la troisième fois qu'il consacre un titre à ce thème. Evil Song, l'album Away 1995 de NRK, allez chercher, ça on va partir maintenant du côté du rap français, pour faire un hommage au Burkina, à l'Afrique, avec le titre Sankara, extrait de l'album de JP Manova, 19h07. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raisons pures qui passe l'envie d'en rire. Tu peux en être sûr, une vérité qui éclate au visage sans trucage ni mascara, la sincérité d'une voix Sankara. À ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira où le blanc mène la danse et les nègres suivent le pas dans l'insouciance légère que tu crois, chantant en ouvrant leurs bras, jeu auquel ne jouait pas Sankara. Tu ne sauras pas depuis qu'on y même comment se mesure le nombre de tonnes de litres d'hydrocarbures. Mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Faucard qui nous lie, amour qu'a pourtant subi Sankara. Loin de tout le rituel, des constats larmoyants, des Jérémie à l'habituel, du paternalisme ambiant, non. C'est un regard dans les yeux qui provoque l'embarras d'un Occident pernicieux. Sankara, si tu penses que la misère en Afrique est inhérente au fait que le nègre y serait trop fainéant, oh, apprends comment tes dirigeants régentent le néant d'un continent et tu apprends Sankara. Pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade. Ni un illuminé, ni un pharaon, un prophète ou un marat, un soldat du Burkina, Sankara. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche de l'équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche. La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant six fois la France. Et le travail entamé pour y voir plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finira Sankara. Quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens quittant leur terre dans l'amer espoir de s'écorcher les mains pour moins que le SMIC horaire. C'est de ce genre d'honoraire dont ne voulait pas Sankara. Si tu penses qu'être l'Afrique implique de manière fausse de danser le coupé décalé, bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient. Je parle de Thomas Sankara. Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine. Si tu te dis comme Squat que l'État assassine, cherche un peu et tu verras, c'est pas un secret d'État. Sans ça, Lumumba l'aurait lié à Sankara. Si tu veux voir autre chose que la mort et ses vestiges, ces présidents qui s'arrosent pour leur seul prestige, vampires de leur peuple, commerçants des richesses et du sang, embarrassés par le cran de Sankara. S'il faut mentionner un chef d'État africain dont il fallait se souvenir, dont on se souvient pour n'avoir pas rampé devant l'hexagone, lui abandonnant les siens pour un trône, ce serait bien Sankara. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. On part maintenant du côté de la Guadeloupe. On va écouter Jean-Luc Poya qui sort cette semaine même un EP qui s'intitule Lost Tracks sur sa page Bandcamp. Le morceau s'appelle Accident. Il a été écrit et produit par Jean-Luc Poya. C'est un titre qui devrait être un nouveau classique du hip-hop créole pour peu que vous tendiez l'oreille. Tout de suite. Les hommes pas tenis chiffres, allez au capriton des 105. Nous t'as pas pour les femmes, alors nous point blat, point quinquinque. Bonsoir, bon, tu vois, carton la quinquinquinque. Nous t'es speed, forcé griffé dans 5-7. Mais les vrais nous griffé bien, j'avais autant de beau. Nous bourrons 125. 125 la fait place, 105 la finance, 5-5. C'est des femmes là, elle est. Quand on mette le café ou sting, fou quand ça m'a le café, accident, il n'est pas fait 5. En haine, si vous voulez 4, on m'appelle pour le 5. Mais j'ai la vie, même pas il a mis, c'était capable de tirer de la côté. Mais pas il a joué, ça nous t'est d'abouet comme sec, ouais. C'est nous, ouais, qui a eu d'un gros David d'obstec. Mais bon, quand on plaît, répond, ouais, à peu près si à son sec. La vie, vous et moi, allez, allez, c'est guidance. Who check, who check, ouais, who check, who check. Accident, les gens bourrés si on caprice. Accident, ben fil en moins, t'es qu'à être profite. Accident, les gens chiffrés, t'es l'en moins. Si on t'es avant, t'es redis, y'en cas en moins. Accident, les gens bourrés si on caprice. Accident, ben fil en moins, t'es qu'à être profite. Accident, les gens chiffrés, t'es l'en moins. Si dans mon monde pas à l'abri d'un accident, faut veiller qu'on va pas tomber accident. Tu sais qu'à prendre la coude, qu'à venir tomber en volant, qu'à faire fuler, qu'à faire buter, qu'à faire l'intéressant. Comme chauffeur à la rue, là, on va voir ça trop souvent. Le yo, qu'on a fait, yo, j'arrive à descendre. Le bagage fait monter, le bagage fait couler le sang. Ça y est, les mecs, la finité, c'est simplement à cause de mon conscience, c'est ni mon à présent. La peine au voyant, c'est à cause d'un accident. À cause de mon conscience, c'est ni mon à présent. Loco, loco, fa, poco, papuelo, lo ya, poco, poro, afuera. Mang. Victor O qui est parti faire un tour, le Martiniquais Victor O qui est parti faire un tour sur le continent. Il en a ramené cette combinaison avec Voices of New Combinati, c'est extrait de son dernier album en date. C'était la sélection des nouveautés du mois et des quelques mois de vacances juste avant que je vous ai ramené. Et on va poursuivre avec une sélection dancehall jeudi dans la spéciale musique jeudi. Souvent on passe du hip-hop, de la soul, de la nouvelle scène caribéenne avec un tout petit peu de reggae et de dancehall. Et bien on va dire qu'il y a quand même des sélections dancehall qui ont retenu mon attention ce mois-ci. Et on va démarrer tout de suite avec le dernier single de Rachel Allison, Echo. Katameko, chela yoga batolo, ni tout sa ki fo, ni tout sa ki fo. Son la yo, jige moun mayo le fo, ni tout sa ki fo, ni pou montre. Oh, des mots d'art qu'on converse. Vous pouvez écouter sans moi, dans les béas, dans l'amour, dans la rage, multi-usage qu'on rangers. Nous, à peine nos premiers couplets, un geste installé, on fait 100 000 ans qu'on fait son poudre, pas disparaître, c'est clair, vous-même, j'avoue. Vous pouvez changer gimmick, rajouter de nous mettez l'or, ça fait polémique, niveau épique, mais ça public, y'a ou pas fort. K-E-N-Z-Y, encore et encore. Tioï, ah, tioï, arrêtez vos femmes, mode qui t'a passé. Tioï, ah, tioï, l'année est faite, tu mets classique, j'ai passé. Tioï, ah, tioï, au plus vite, au plus faible, ma colère agacée. Tioï, ah, tioï, va maintenant vous. Tu es tête ni un moule spécial, yo passe yo adam, yo ni même flow, même gel, yo loin ni même madame, mon paquet parole plat pour tuer dame dame. A kati oui en grand, d'un sol t'es mis avant, ça qui ni jardin, mais pas chouache qui est tombé. Les trop pite créole, yo kati en sanglé. Gardez-moi ainsi, si moi si yo ka tremble, vous doué qu'étranglé, vérité si yonde. Tioi, ah tioi, arrêtez vos femmes, mode qui ka passé. Tioi, ah tioi. L'année est faite, tu mets classique, j'ai passé. Tioi, ah tioi, au plus vite, au plus faible, ma colère agacée. Tioi, ah tioi, va maintenant vous, allez prendre vous. Arrête que vos femmes, mode qui a passé. Un titre qui fait plaisir. En cas dit Oli en grand, d'un sol t'es mis avant. C'est ce que nous dit Rafia avec son frère Kenzie sur le titre Indémodable. Parce qu'il ben, il nous rappelle avec ses excellents flows et ses excellents lyrics que le dancehall n'a pas toujours été que des gimmicks, des clips et des fesses qui bougent. Et ça fait plaisir de réentendre ces quelques sons. Donc oui, dancehall t'es mis avant, mais on trouve encore quelques pépites. L'artiste dancehall est incontournable cette année et forcément le Martiniquais Kalash avec son titre Bendo, même si ce n'était pas du dancehall. Ça, on ne va pas écouter Bendo, on va écouter une combinaison avec Elvis qui nous rappelle qu'il est là depuis bien bien longtemps, le morceau Unity. Je vous ai à l'air. Unity. Pour nous prendre Unity, pour nous pèse avancer, man. A de musique nous élevé, nous café depuis nous tout petit, toute la Saint-Journée. Faut pas nous diviser, nous. Give me a one jump, please. Oui, puissance à musique. Power, God bless, c'est pour physique. Stop the rhythm. Cheese, depuis nous commencer, c'est vibes et puis swing nous balancer. Depuis longtemps, nous nous sentons mal, originaire d'un son local. En de quoi nous commercial, nous aimons c'est nous qui avons une passion. En sans système, nous avons une dépression. Nous m'a d'agayana et puis Guadeloupe, ni mon gapana, nous m'a mis sur gagade, nous m'a la loupe. Nous savons que ta la loupe, nous comme manger ça, qu'on fait la loupe. Pas ça que nous, quoi, bon Dieu, ça vous quoi. Nous vîmes si t'es pour briller. Vibe que nous capi plié, diables que to you dem, ija wote mauvais doux. Tout contre que nous ka aller pas qu'à regretter le passé, chimène nous même ça tracé. Dans l'unité faut nous progresser, l'unité persévérer, sans jamais lâcher. Nanana, nanana, nanana. Quand c'est toile faut nous briller, plier pas qu'à casser. On baga goûter critique. Sont nous toujours qu'à promoter paroles véridiques. Tic tac tic, mais nous trouvons une tactique. Montrer le bon exemple à jeunesse Martinique. Musique toujours qu'à nous pour force. Yeah. Musique toujours qu'à mettre nous boss. Ouais. Mon Dieu, ça pourquoi? Nous vîmes si t'es pour briller. Vibe que nous qu'à publier. Diables que to you dem. Ija wote mauvais doux. Comme nous qu'à aller pas qu'à regretter le passé. Chimène nous même ça tracé. Dans l'unité faut nous progresser. L'unité persévérer. Sans jamais lâcher. Nanana. Juste pour nom. Tout est fait tout aussi magri. Voyez tout commenter. Mais depuis tout bataille de bad one. Real wife, il pas qu'à fight over man. Bon paquet goumaké tout juste pour nom. Tout peux faire tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton bad bitch, mon bad girl. Monzels and bitch, you are the official wifey. Pas speed, moi savais pas cheer, don't like me. T'es qu'à parler, parler, ayant ça yo prof. Mais si yo vin trop proche, moi même pas qu'est pas les trop. Yo pape itch, you are the official wifey. Yo ka snitch, l'homme au cas des sons qu'on like me. T'es qu'à vin rele, rele, d'ouvant, moi la pop. Mais moi j'ai dit top ou pièce, non, moi pas qu'à faire les real wifey, pas qu'à fight over man. Moi pas qu'est gouma qu'est tout juste pour nom. Mais fait tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton bataille de bad one. Real wifey pas qu'à fight over man. Mon paquet goumé qui est tout juste pour nom. Tu fais tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton bataille, mon bad girl. C'est for my mother. Il est fait mon tour de murder. Il y a trop for ma sous la terre. Pour se prendre mon tête qui couille dans la lâche. Bon, j'ai dit à Ron, man on my life. Mais il faut y respect. Pas les pièces, problème. Parce que real wifey pas qu'à fight over man. Mon paquet goumé qui est tout juste pour nom. Tout peut faire tout aussi ma grille. Voyez tout commenter. Mais depuis ton bataille de bad one. Real wifey pas qu'à fight over man. Mon paquet goumé qui est tout juste pour nom. Tout peut faire tout aussi ma grille. Voyez tout commenter. Mais depuis ton bataille, mon bad girl. Monzels and bitch, you are the official wifey. Pas speed, moi savais pas cheer, don't like me. Qu'à parler, parler, ayant ça yo prof. Mais si yo vin trop proche, moi même pas qu'est pas les trop. Yo pape itch, you are the official wifey. Yo ka snitch, l'homme au cas des sons qu'on like. Tout qui vin rele, rele, d'ouvant, moi la pop. Mais moi j'ai dit dans vos pièces, non, moi pas qu'à faire les real wifey, pas qu'à fight over man. Moi pas qu'est gouma qu'est tout juste pour nom. Tout peut faire tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis tout bataille de bad one. Real wifey, pas qu'à fight over man. Moi pas qu'est gouma qu'est tout juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille, voyez tout commenter, mais depuis ton badesh, mon bad girl. On était parti en Guyane, c'était le couple Bambi et Jayanai King sur le titre Real Wifey, dont les lyrics nous rappellent un peu ce classique d'il y a une bonne dizaine d'années de Chris, Bakagoumé Bafam. On va partir sur un autre couple, cette fois c'est Serial Sénat, couple au micro bien sûr. Serial et Sénat de la Martinique, le titre c'est Sanouni. Yeah. Hey boy, vini vini wa sa mwen ni bao. Vini vini wa sa mwen ni bao. Hey boy, vini vini wa sa mwen ni bao. Vini vini wa sa pali bao. Ooh man, vini vini wa sa pali bao. Vini vini wa sa mwen ni bao. Débord là c'est là où les mêmes j'adore les starting blocks. C'est à des nous calés, c'est un sel qui copie l'autre boy. No time to lose, gal, no time c'est to où elle est, les paroles. Vini, vini, vini, moi ça m'a ni bao. Vini, vini, moi ça pas les bao. No woman, vini, vini, moi ça pas les bao. Vini, vini, moi ça m'a ni bao. Boy, vini, vini, moi ça m'a ni bao. Vini, vini, moi ça pas les bao. No woman, vini, vini. On te voit sa mouni en forme fort. Ça veut pas dire qu'elle aime un pec et nous tort. C'est ça qui rend nous plus fort. Baby la, baby la, baby let go. Mon qui jamais là, c'est fait bien si fort. Un qui goûte, bah, j'ai sa longue mort. Vive les pieds, encore et encore. Tout ça nous ni, please, valet qui l'a. Yeah. y a un EP important qui est sorti en Martinique, c'est le retour de Flamme, retour de Paille, l'artiste à succès martiniquais qui nous ramène cette fois dans un projet un peu plus agressif, un peu avec beaucoup moins de concessions, et on apprécie beaucoup ce 4 titres, 4 clips. Allez chercher ça, retour de Flamme. On va écouter 2 titres tout de suite. Le premier, Violence Verbale, qui fait un peu écho au morceau de Raphia Kenzie qu'on a entendu tout à l'heure avec une certaine critique de la musique et du dancehall actuel. Et ensuite, on va enchaîner avec Coucou Freestyle Part 1. Vous êtes bien sur le portable de Yoni. Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Ouais, allô, ça fait 5 fois que je t'appelle. On te voit pas, on t'entend pas. Tu fais quoi? Il faut qu'on parle. Rappelle-moi au plus vite. Vous savez que mon gars là, c'est le Gibou du désalbum. Rappelle-moi. Les jolies aventures de Papy Paille, je viens pour te les raconter. Tous les jours, they are striking in style, et ça ne va pas s'arrêter. Mais faut s'arrêter, faut s'arrêter là. Faut y bizarre, faut y en voler. Si tu veux un peu qu'ils embêtent. Oui, mais non, j'ai piscine en fait. Et ça arrête de sa violent. Et ça bizarre, ça vola. Moi, les autres corps qui est volant. Comme un fou des striking style. Et ça ne va pas. C'est du second degré, hein? Le sweat, ça fait grossir. Les 8 Redeem la tête tout seul, t'es calme de freestyle. Qui coûte basse la t'es belle, donc ma pas molly bye. Freestyle, freestyle, freestyle à Jumuna. C'est des styles qui n'y vibe, qui n'y style qui n'y. Ma gaffe est redeem la malle, ça va qu'elle fini. Il va forcément la prendre tout ça presse minime. Parce que plus ma senti tremble, plus ma gaffe tremble. C'est des styles qui n'y vibe qui n'y. Son boy la fait courir. Effectivement, moi j'ai un rythme, bah moi c'est pas un exploit. N'importe qui bobo, moi qu'à mettre y'a quatre pattes. Mais comme moi toujours fait, it's all about the next track. Local son car au fouillet, bring a bien à dents. Belle blanche, c'est d'ailleurs ça, qui n'y vibe, qui n'y style, qui n'y. Ma gaffe, rythme, la malle, ça va qu'elle fini. Il va forcément d'accord, mais tout ça presse minime. Parce que j'ai plus ma sentie tremble, plus ma gaffe tremble. C'est d'ailleurs ça, qui n'y vibe, qui n'y. Son boy la fait courir, bah mais ça va qu'elle fini. Il va forcément d'accord, mais tout ça presse minime. Parce que j'ai plus mis c'est qu'elle tremble. Hi, Café Ridimlan, Mal, Retour de Flamme, c'est son EP, 4 titres. Allez chercher ça, il y a aussi le morceau Abimance qu'on a déjà joué dans Musique Jeudi. Et on va terminer cette heure d'émission, cette heure de nouveautés, de nouveaux sons de Martinique, de Guadeloupe. On a aussi entendu Guyane, Haïti, avec un titre de Tiwoni. C'était un titre qu'il avait sorti, ça date de mai. C'était pour le mois de la mémoire. Le titre s'appelle Neg Marron. Et on va entendre ça maintenant. C'est yo qui sacrifie l'eau et pour l'on parete yenem. Quand la Martini, na Gagana, Haïti, c'est la même. Je dis Afrique, van Fello, c'est yon blasphème. Grâce à Neg Marron, si nous pète chèvre. C'est yo qui sacrifie l'eau et pour l'on parete yenem. Quand la Martini, na Gagana, Haïti, c'est la même. Je dis Afrique, van Fello, tout ça, c'est yon blasphème. Si l'esclavage en méchanceté qui panine, nous appelons le cadou, c'est le qui sauvage. En servant à nous, nos fiers lavage qui fait nous obliger à notre tranquille qui patent nous s'aggrave. Pourtant, nous n'y avons pas héritage, mais ça y avait, c'est qu'un nouveau sache qu'on est image. Message est sans nous, sorti Africa. Fais de sa fête à la base, nous qu'à descendre. C'est grâce à Neg Marron, grâce à Neg Marron, si nous pète chèvre. C'est yo qui sacrifie l'eau et pour l'on parete yenem. Quand la Martini, na Gagana, Haïti, c'est la même. Je dis Afrique, van Fello, c'est yon blasphème. Grâce à Neg Marron, grâce à Neg Marron, si nous pète chèvre. C'est yo qui sacrifie l'eau et pour l'on parete yenem. Quand la Martini, na Gagana, Haïti, c'est la même. Je dis Afrique, van Fello, tout ça, c'est yon blasphème. Yeah. crié au croissant. Les ONU s'est fait en vivant tout bas blanc, la Africa. Non, pas le croissant, tout le pas crié au croissant. C'était EDS avec vous dans Musique Jeudi, l'émission Conne Lambi, 16h-17h, premier dimanche de chaque mois. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau panorama des musiques actuelles créoles. On essaie de vous dénicher tout ce qu'il y a de nouveau, d'original, de créatif dans ce domaine-là. Et vous pouvez déjà trouver toutes nos archives sur le site archivesaupluriel.org. Vous tapez Conne Lambi, K-O-N-L-A-N-B-I, Musique Jeudi, M-I-Z-I-K, plus loin, J-O-D-I. Toutes les émissions depuis qu'on mène cette spéciale Musique Jeudi sont à trouver en ligne et je vous donne rendez-vous le mois prochain.